Et qui s'abandonne sur des récifs accidentés. Une petite brise de force 2 bercer notre amour infini. Nous avons tutoyé les cieux et visité le paradis. Nos cœurs ont chaviré en proie à la tempête qui nous a emportés au large de la fête. Nos cœurs ont chaviré sur des rochers acides et des flots démontés qui sombrent dans le vide. Cette nuit, mon DVD déconne, rejoue la même scène sans fin. Le Titanic pour deux personnes, on aurait dû prendre le train. Je voudrais composer une ode aux folles amours naufragées, que le sel de la vie corrode en attendant de replonger. Nos cœurs ont chaviré en proie à la tempête qui nous a emporté au large de la fête. Nos cœurs ont chaviré sur des rochers acides et des flots démontés qui sombrent dans le vide.